Le lundi 19 décembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. La Ville de Québec modifie de manière importante le PPU du pôle urbain Belvédère à l'issue des consultations publiques de septembre dernier. Le programme particulier d'urbanisme qui vise à encadrer le développement sur un territoire de 2 km² situé à l'est du Parc des Braves, un endroit où plusieurs promoteurs sont intéressés par des terrains vacants. Les citoyens ont fait part de leurs préoccupations sur la hauteur des bâtiments, l'augmentation de la circulation automobile et la présence d'espaces verts. En tout, la Ville de Québec propose 40 modifications à son avant-projet. Elle entend notamment éloigner les nouvelles constructions du cadre bâti et ajouter des liens cyclables et piétonniers, notamment sur l'avenue Geoffrey et sur la Grande Allée, l'ajout d'abris d'autobus et la synchronisation des feux sur le boulevard René-Lévesque sont aussi dans les cartons. Des citoyens de Mézeray sont préoccupés par les émissions polluantes de l'incinérateur de Québec. Le conseil de quartier s'inquiète des dépassements des normes qui surviennent à l'occasion. Des analyses démontrent que le niveau de mercure a dépassé les seuils recommandés en juin et en septembre dernier. Selon le conseil, des citoyens n'ont plus confiance dans cet équipement qui date des années 70, malgré les efforts pour l'entretenir et le moderniser dans les dernières années. En septembre dernier, la ville s'était fait rassurer et avait promis d'investiguer sur la situation. De nouvelles accusations seront portées contre le professeur Marc-Olivier Cloutier, ce jeune suppléant de 26 ans qui est accusé de possession de pornographie juvénile et d'agression sexuelle. Il devrait plaider coupable à au moins une partie de ses chefs d'accusation. Depuis son arrestation le 8 décembre dernier, la saisie de son ordinateur a permis de découvrir des documents de pornographie juvénile ainsi que des conversations à caractère sexuel avec de jeunes garçons. Scène internationale en Enfin, le Collège électoral américain se réunit aujourd'hui pour officialiser la nomination de Donald Trump au poste de président des États-Unis. Il semble peu probable que le vote des grands électeurs influence l'issue du scrutin, mais ce processus, qui est habituellement une formalité, suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt alors que les agences de renseignement américaines ont confirmé le piratage informatique russe qui visait à influencer les résultats du 8 novembre dernier. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Du soleil aujourd'hui et des températures très froides. Le mercure atteindra moins 17 degrés cet après-midi, moins 29 avec le refroidissement éolien. Demain mardi, moins 7 degrés, ça se réchauffe donc et 30% de probabilité d'averse de neige. Mercredi, le mercure va atteindre moins 1 et on aura droit à une neige intermittente. Présentement à Québec, on a moins 19 degrés et la température ressentie est de moins 27 degrés.